Le Titanic, souvent qualifié de paquebot de rêve, il demeure l'un des récits les plus tragiques et captivants de l'histoire maritime. Son histoire fascine toujours. Même 112 ans après le désastre qui a coûté la vie à plus de 1500 personnes, ce navire majestueux, réputé pour être insubmersible, a été le théâtre d'un drame d'une ampleur inimaginable. Construit par la compagnie maritime White Star Line, le Titanic était le fruit d'une ambition sans précédent. Avec ses dimensions imposantes, ses installations luxueuses et sa réputation de navire le plus sûr jamais construit, il symbolisait l'apogée de l'ingénierie navale de l'époque. Le 10 avril 1912, le Titanic quitta Southampton, ville portuaire du sud de l'Angleterre, pour son voyage inaugural à destination de New York. À son bord se trouvaient des passagers de diverses classes sociales, des émigrants en quête d'un nouvel espoir et des manias de l'industrie en quête de confort et de prestige. Le 14 avril 1912, à 23h40 heure locale, le Titanic percute un iceberg dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. La collision déchira la coque du navire, compromettant irrémédiablement sa sécurité. Alors que les passagers vaquaient à leurs occupations nocturnes, le destin tragique du Titanic se précisait. Les premiers signes de danger se manifestèrent lorsque les compartiments étanches du navire commencèrent à se remplir d'eau. Malgré les efforts désespérés de l'équipage pour pomper l'eau et maintenir le navire à flot, la situation devint rapidement incontrôlable. La panique envahit le paquebot alors que les passagers étaient informés de la gravité de la situation. Les canots de sauvetage, conçus pour accueillir un nombre limité de personnes, étaient rapidement déployés. Cependant, leur capacité était largement insuffisante pour sauver tous les occupants du navire. Les premiers à bénéficier des canots de sauvetage furent les femmes et les enfants, conformément à la célèbre devise « les femmes et les enfants d'abord ». Cependant, même ces mesures furent insuffisantes pour éviter une catastrophe. Alors que le Titanic sombrait lentement dans les abysses, des scènes de désespoir et de courage se déroulèrent à bord et autour du navire. J'ai gardé du naufrage du Titanic, où mon père a trouvé la mort, un souvenir extrêmement précis. Mon père était âgé de 32 ans, mon frère venait d'avoir 2 ans. J'avais moi-même presque atteint l'âge de 4 ans. Ma mère était restée à Nice, qui avait été jusque-là notre lieu de résidence. Le naufrage du Titanic révéla des actes de bravoure et de sacrifice. Des membres d'équipage et des passagers se portèrent volontaires pour aider les autres, risquant leur vie, pour sauver autant de personnes que possible. Parmi eux, on se souvient notamment de la conduite héroïque du capitaine Edward Smith et de nombreux membres d'équipage. Cependant, malgré ces actes de bravoure, la tragédie laissa dans son sillage un lourd tribut. Plus de 1500 personnes perdirent la vie dans le naufrage du Titanic, laissant derrière elles des familles dévastées et des communautés en deuil. Parmi les héros du Titanic se trouve aussi le père Thomas Biles, un prêtre catholique britannique dont le courage et la compassion ont été largement salués. Il était sur le Titanic en tant que passager de deuxième classe, voyageant pour se rendre à New York où il devait officier lors du mariage de son frère. Le soir du naufrage, le père Biles s'est distingué par son calme, sa résolution et son désir d'aider les autres. Lorsque la tragédie a commencé à se dérouler, le père Biles s'est immédiatement mis au service des autres passagers. Il a été vu aidant les passagers à trouver des gilets de sauvetage, les réconfortant par des prières et des paroles d'encouragement et offrant un soutien spirituel à ceux qui étaient troublés. Un témoignage poignant rapporte que le père Biles a été vu agenouillé sur le pont du Titanic, priant avec un groupe de passagers alors que le navire sombrait lentement dans l'océan. Sa présence rassurante et son dévouement envers les autres ont été remarqués et admirés par de nombreux survivants. Malheureusement, le père Biles n'a pas survécu au naufrage. Son corps n'a jamais été retrouvé. Cependant, son sacrifice et son héroïsme ont été largement célébrés dans les années qui ont suivi la tragédie. Le père Thomas Biles demeure un exemple inspirant de courage, de compassion et de dévouement envers les autres, et son histoire continue de toucher et d'inspirer des générations de personnes à travers le monde. Un autre héros fut le révérend John Harper, un pasteur écossais, dont le sacrifice et le courage ont aussi marqué l'histoire de cette tragédie maritime. John Harper, né en 1872, était un pasteur baptiste passionné par l'évangélisation. Il était connu pour son zèle missionnaire et son dévouement à partager l'amour de Dieu avec les autres. En 1912, il embarqua à bord du Titanic avec sa fille Jessie, âgée de 6 ans. Lorsque le paquebot heurta l'iceberg et que la tragédie commença à se dérouler, Harper se mit au service des autres passagers, réconfortant ceux qui étaient effrayés et offrant des prières d'apaisement. Il assura à sa fille une place dans l'un des rares canots de sauvetage disponibles. Au fur et à mesure que le naufrage progressait, Harper continua son œuvre de réconfort et de témoignage, offrant l'espoir et la paix spirituelle à ceux qui étaient sur le point de périr. Des témoins rapportent qu'il resta calme et résolu jusqu'à la fin, partageant l'évangile avec ceux qui se trouvaient près de lui, même lorsque les eaux glacées de l'Atlantique menaçaient de les engloutir. John Harper finit par perdre la vie dans les eaux glaciales de l'Atlantique, mais son héritage de foi, de compassion et de courage perdure. Son exemple de sacrifice désintéressé et de service aux autres reste une source d'inspiration pour de nombreuses personnes à travers le monde. C'est un marin qui m'a pris par le bras, il m'a dit « venez de ce côté madame ». Et c'est le capitaine lui-même qui m'a mis dans la barque. Les marins chantaient, ils chantaient le cantique plus près de Dieu. L'officier qui était dans le bateau m'a dit « ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie ». Nous nous sommes éloignés. Et moi, je regardais toujours le bateau, n'est-ce pas, dont les lumières étaient éclairées encore. Nous étions éloignés peut-être un demi-kilomètre lorsque les lumières s'éteignent et le bateau s'enfonçait. Des cris que j'ai encore, lorsque j'y pense, il me semble que je les entends. Even though it be a catastrophe du Titanic a engendré de nombreuses histoires. Certaines sont vraies et vérifiables, tandis que d'autres se sont avérées être des légendes urbaines ou des mythes. Parmi les histoires vraies, le RMS Carpathia, un navire de la Cunard Line, est venu au secours des survivants du Titanic. Cette histoire est vraie et bien documentée. Le Carpathia a recueilli plus de 700 survivants du Titanic dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Autre histoire vraie, c'est la construction du Titanic dans les chantiers navals de Belfast en Irlande du Nord. C'est un fait historique. Le Titanic était alors le plus grand et le plus luxueux paquebot jamais construit, avec des caractéristiques techniques et des équipements de pointe pour l'époque. Le fait aussi que le Titanic ait heurté un iceberg ce 14 avril est une réalité incontestable. Cette collision a entraîné la déchirure de la coque du navire, précipitant ainsi sa perte. Mais une question se pose, pourquoi le Titanic ne parvint-il pas à s'arrêter suffisamment tôt pour éviter l'obstacle? Le paquebot aurait pu virer de bord alors que son flanc a heurté l'iceberg, ce qui a entaillé sa coque. Le journaliste et écrivain irlandais Senan Moloney défend la théorie selon laquelle le naufrage du paquebot aurait pu être provoqué par un incendie de plusieurs jours dans la coque du bateau avant sa mise à eau. Le feu, difficile à maîtriser, aurait fragilisé la coque du bateau, ce qui pourrait expliquer pourquoi le Titanic a sombré aussi vite. Senan Moloney, qui se penche sur les causes du naufrage du Titanic depuis près de 30 ans, s'est appuyé sur des photographies prises par l'ingénieur électricien en chef avant que le bateau ne quitte les chantiers navals de Belfast. Les photos mettent en évidence de larges marques noires d'environ 10 mètres à l'avant et à droite au niveau de la coque du navire, c'est-à-dire à proximité de l'endroit où s'est produit la collision entre le Titanic et l'iceberg. Des marques qui, selon les experts interrogés par le journaliste, sont bel et bien le résultat d'un incendie dans l'un des réservoirs de carburant. Dans le journal The Independent, Senan Moloney rajoute « Ce naufrage n'est pas l'histoire d'une simple collision entre un paquebot et un iceberg. C'est l'addition de facteurs extraordinaires, le feu, la glace et la négligence. Cet incendie était connu, mais il a été minimisé. Le paquebot, d'après lui, n'aurait jamais dû être mis à la mer. » Une autre histoire vraie, c'est l'histoire de Isa et Isidore Strauss. Ils étaient des passagers de première classe à bord du Titanic lors de son voyage inaugural en avril 1912. Lorsque le naufrage du navire a commencé, des canots de sauvetage ont été déployés pour évacuer les passagers. Cependant, Isidore et Ida, qui avaient été mariés pendant 41 ans et partageaient une profonde affection l'un pour l'autre, ont refusé de se séparer dans ce moment de crise. Selon les témoignages rapportés lorsque les femmes furent appelées à monter à bord des canots de sauvetage, Ida refusa de quitter son mari déclarant « Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où vous irez, j'irai. » Isidore aurait insisté pour que sa femme monte à bord du canot, mais elle a refusé de partir sans lui. Le couple est resté sur le pont du Titanic jusqu'à la fin, se tenant par la main et se réconfortant mutuellement. Leur amour et leur dévouement, l'un pour l'autre, ont été largement salués comme un exemple poignant de loyauté et d'affection conjugale dans des circonstances extrêmes. Malheureusement, aucun des deux n'a survécu au naufrage. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés, mais leur histoire est devenue légendaire et a été immortalisée dans de nombreux récits sur le Titanic, symbolisant l'amour et le sacrifice dans l'adversité. À propos du Titanic, il y a aussi quelques histoires fausses ou qui ont été exagérées. Par exemple, l'orchestre jouant jusqu'à la fin. Une légende urbaine raconte que l'orchestre du Titanic aurait continué à jouer de la musique pour calmer les passagers jusqu'à ce que le navire coule. Bien qu'il soit vrai que l'orchestre a joué de la musique sur le pont pendant une partie de la tragédie, il n'existe aucune preuve irréfutable qu'il ait joué jusqu'au dernier moment. Certains aussi ont spéculé sur l'existence d'une malédiction associée au Titanic, affirmant que les événements tragiques se seraient produits à la suite de certains objets récupérés du naufrage. Cependant, cela relève plus du folklore que de faits réels. Le Titanic était considéré comme quasiment insubmersible par de nombreux contemporains en raison de ses systèmes de compartiments étanches. Cette notion a été grandement exagérée. En réalité, le navire était vulnérable aux dommages causés par des collisions latérales de grande ampleur, comme celle avec l'iceberg. Ces histoires, qu'elles soient vraies ou fausses, témoignent de l'impact durable que le naufrage du Titanic a eu sur la culture populaire et l'imaginaire collectif. La tragédie du Titanic a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire collective. Au-delà de son importance historique, le naufrage du Titanic a donné lieu à des enquêtes approfondies sur la sécurité maritime et a conduit à des réformes majeures dans l'industrie maritime. Des normes plus strictes en matière de conception navale et de sécurité des passagers ont été mises en place pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Le Titanic demeure également un symbole de l'orgueil des êtres humains, rappelant les dangers de l'arrogance et de la confiance excessive dans la technologie. Sa chute spectaculaire dans les profondeurs de l'océan Atlantique reste un rappel poignant de la fragilité de la vie humaine et de la puissance implacable de la nature. L'histoire du Titanic a aussi inspiré de nombreux films et adaptations cinématographiques qui ont capturé l'imagination du public à travers les décennies. Voici quelques-uns des films les plus célèbres inspirés par l'histoire du Titanic. Tout d'abord le film Titanic en 1953. Ce film, réalisé par Jean Neglesco, se concentre sur une histoire d'amour fictive entre des personnages joués par Clifton Webb et Barbara Stanwyck, située dans le cadre du naufrage du Titanic. Bien que ce film prenne quelques libertés avec les faits historiques, il reste une représentation populaire de l'histoire du Titanic. A Night to Remember en 58, réalisé par Roy Ward Baker, ce film en noir et blanc est basé sur le livre du même nom de Walter Lord, qui retrace les événements du naufrage du Titanic. Il est considéré comme l'une des représentations les plus fidèles de la tragédie. Le film met en lumière les différents aspects de la catastrophe et les destins des passagers de l'équipage. Le film Titanic de 1997, réalisé par James Cameron, ce film épique et romantique est sans doute le plus célèbre des adaptations cinématographiques de l'histoire du Titanic. Mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet dans les rôles principaux, le film raconte l'histoire d'amour entre Jack Dawson, un artiste sans le sou, et Rose DeWitt Bucater, une jeune femme de la haute société à bord du Titanic. Le film est salué pour ses effets spéciaux révolutionnaires, son réalisme historique et sa bande originale emblématique. Ces films ne représentent qu'une fraction des adaptations cinématographiques de l'histoire du Titanic. Il existe également de nombreux documentaires, séries télévisées et autres films qui ont été influencés par cette tragédie maritime emblématique. Second class and steerage were all quartered down below. Roll on! right. We alone have found this record for the crossing of the sea. And the RMS Titanic, she'll go down in history. Roll on, Titanic, roll. You're the pride of the White Star Line. Roll on, Titanic, roll. Into the mists of time. Roll on, Titanic, roll. You're the pride of the White Star Line. Roll on, Titanic, roll. Into the mists of time. On the 14th night of April, when the ship was far from land, dreams were torn asunder as cruel fate brought down her hand. Titanic struck an iceberg and she slipped beneath the waves, and 1517 souls went to their watery graves. Roll on, Titanic, roll. You're the pride of the White Star Line. Roll on, Titanic, roll. Of time. Roll on, Titanic, roll. You're the pride of the White Star Line. Roll on, Titanic, roll. Into the mists of time. Mais que sont devenus les survivants du naufrage du Titanic? Les survivants de Titanic ont vécu des destins divers après le naufrage. Voici un aperçu général de ce qui est arrivé à certains d'entre eux. Margaret Brown, connue sous le nom de Molly Brown, est devenue célèbre pour son rôle lors du naufrage. Après avoir survécu, elle a œuvré pour améliorer les conditions des travailleurs et a soutenu diverses causes sociales. Elle est souvent considérée comme une héroïne du Titanic. Il y a Charles Lightoller également. En tant qu'officier supérieur sur le Titanic, Lightoller a survécu au naufrage et a continué à servir dans la marine marchande. Pendant la Première Guerre mondiale, il a participé à l'évacuation de Dunkerque. Après la guerre, il est devenu un homme d'affaires prospère. Jack Taylor a seulement 17 ans au moment du naufrage. Taylor a survécu après avoir sauté du navire alors qu'il coulait. Il a connu des difficultés émotionnelles après le naufrage, mais il a finalement mené une vie relativement réussie en tant qu'homme d'affaires. Eva Hart, à l'âge de 7 ans, Eva a survécu au naufrage avec sa mère. Elle a passé une grande partie de sa vie à parler de son expérience du Titanic et à militer pour la sécurité maritime. Charles Jougue, il est l'un des rares membres d'équipage à avoir survécu après avoir passé plusieurs heures dans l'eau glacée. Jougue a continué à travailler dans l'industrie maritime après le naufrage. Cependant, il est important de signaler que de nombreux survivants du Titanic ont continué à vivre des vies privées et leurs histoires individuelles sont souvent moins bien documentées que celles des passagers et membres d'équipage plus célèbres. En conclusion, le drame du Titanic résonne comme un appel puissant de l'humilité que nous devons avoir face à la nature et de la limite de notre ambition humaine. Lorsque nous cherchons à défier les éléments naturels ou à rivaliser avec la grandeur divine en créant des machines géantes, nous risquons de nous perdre dans notre propre orgueil. Le naufrage du Titanic nous rappelle que, malgré notre ingéniosité et notre créativité, nous devons respecter les forces de la nature et reconnaître nos limites. C'est en adoptant une attitude humble et respectueuse envers notre environnement que nous pourrons espérer éviter les tragédies du passé et naviguer vers un avenir plus sûr et plus équilibré. To show you, go on. Near, far, where